Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et je reçois, dans le moment, elle est assise à côté de moi, elle a un beau chandail mauve, des beaux cheveux, et t'es donc bien belle aujourd'hui, Sophie Laforêt. Wow, mon Dieu, c'est la première fois que tu m'accueilles comme ça, merci. Ben, ça fait plaisir. Toi aussi, t'es beau avec ton chandail du Canadien? Non. Non, fallait pas que je le dise. Ben, je suis pas beau. Ben oui, ben, arrête. Ben non. Ben, en tout cas, Sophie, tu viens nous parler de Carquois et de leur dernier album ce matin. Oui, je voulais seulement, avant peut-être juste mentionner les sorties de la semaine. Oui. Il y en a pas beaucoup qui ont attiré mon attention, il y en a trois. La première, c'est John Zay, qui est le chanteur de... Ben, en fait, c'est son surnom, mais c'est le projet solo du chanteur de la formation islandaise Sigur Rós. OK, oui, oui, oui. Avec l'album Go. Donc, j'ai pas encore entendu cet album-là. J'ai bien hâte de l'entendre. Il va être à Montréal le 2 mai prochain au Metropolis. Ensuite, il y a Yoav qui a sorti un album A Foolproof Escape Plan. J'ai aucune idée si c'est son deuxième ou son troisième ou son quatrième. Okay. Je sais que c'est pas son premier. Okay. C'est tout ce que je peux vous dire. Et finalement, Melissa Ofdermar, qui est la bassiste de la formation Les Smashing Pumpkins et de Hole, qui a parti un projet solo il y a quelques années, qui sort un deuxième album, Out of Our Minds. Ouais. Donc, ça sortait hier. Mais si j'étais elle, je mettrais du liquid paper sur Hole. Mais en tout cas, c'est... Sur Hall. Ouais, sur Hall. Mais elle nie pas ce passé-là non plus. Non, ben elle fait bien. Mais moi, étant un gars qui déteste Courtney Love jusqu'au plus profond de mon âme, Hall, j'aime pas. Semblait-il que c'était pas évident de travailler avec elle, en tout cas. Ben, c'est jamais évident de la côtoyer, ce fille-là, je pense. Beau dossier, une belle historique de. En tout cas. Ouais, écoute. Je te laisse. Heureusement que je n'ai pas parlé de Hall ce matin. Oui, parce que ça a été assez graissant, surtout que. Dans cette période de temps-là, là, il y a 16 ans, 94, Kurt Cobain venait de mourir. Là, donc, ça n'aurait pas été un bon moment. Non, absolument pas. Donc, aujourd'hui, Carquois, avec leur quatrième album, Les Chemins de Verre, qui est paru mardi dernier, le 30 mars 2010. Oui. Vous avez peut-être eu la chance d'entendre quelques extraits assez fous. Ça a commencé à tourner déjà. Probablement la pièce-titre de l'album, Les Chemins de Verre, et aussi la pièce Le Pyromane, qui sont, selon moi, les deux pièces de l'album qui sont le plus accessibles. Qui était en nouvelle entrée au palmarès francophone la semaine dernière. Qui devrait monter plus haut Les Chemins de Verre? Oui. Oui, Les Chemins de Verre, donc la pièce-titre. Et ça n'a pas fini. Je suis sûre qu'on va avoir Le Pyromane bientôt dans le palmarès, peut-être dans une semaine, une prochaine semaine. Il y a ça des m'étonnerait bonnes chances. Pas. Puis, si j'avais à placer le disque dans ma discothèque d'une autre façon que par ordre alphabétique, là, mettons que je le plaçais proche de ce qui peut ressembler, je le placerais avec Marc-Pierre Arthur. Parce que, bon, on sait que Louis-Jean Cormier, le chanteur de Carquois, en fait, a participé à l'album de Marc-Pierre Arthur et elle fréquente un des membres. Elle sort avec un des membres. C'est pas Cormier, justement, genre. Mais j'ai aucune idée. C'est pas genre de truc que je. Je pense que oui, mais en tout cas. Je sais qu'elle a été choriste du groupe également là, oui, sur les albums l'album précédents, puis sur scène aussi. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a un style qui est similaire. Sinon, il y aurait aussi Bon Iver, qui est un artiste folk du nom de Justin Vernon, avec son premier album « For Emma, Forever Ago ». Je voudrais qu'il y ait des trucs qui sont très similaires. Ensuite, peut-être le deuxième album de Grizzly Bear, « Yellow House », Patrick Watson, et étrangement, le premier album de Coldplay. Étrangement. Jamais entendu. Non, Parachute. Donc, Parachute, si vous voulez, je vous le dise avec un accent anglais. Parachute. Et bien sûr, à côté des trois précédents albums de Carquois, c'est-à-dire Le Pensionnat des Établis, Les Tremblements s'immobilisent et Le Volume du Vent, parce que... Faut pas dire Le Pensionnat des Établis. Il le renie, cet album-là. Il en parle pas. Il le renie. Il existe pas, cet album-là. Bon, OK. Donc, on va dire à côté des Tremblements s'immobilisent et Le Volume du Vent, parce que quand même, je pense que c'est cohérent avec les albums qu'ils ont fait dans le passé. C'est pas... Ils sont pas revenus là avec un projet électro-hip-hop. Là. C'est très, non, c'est fidèle à c'est eux. C'est fidèle à eux-mêmes. Et j'aime pas ça dire ça, parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on doit noter, mais bon, une petite touche de Radiohead, mais bon, on peut dire que Radiohead, c'est un tournant de la musique, donc finalement, ils ont influencé plein de bands, et non pas juste Carquois, mais quand même. Pour ceux qui aiment Radiohead, ben vous risquez peut-être d'aimer Carquois. Voilà, pour ceux qui les connaissent pas, peut-être. Les amis anglo, pour définir Carquois, disent que c'est le Radiohead québécois. Ouais. Mais moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Non, mais je dirais qu'il y a une touche, là, une influence. Mais comme je dis, ben, Radiohead, c'est un tournant. Tous les groupes qui sont sortis de l'Angleterre depuis Radiohead sonnent comme Radiohead, de toute façon. Ben, c'est général. Je généralise beaucoup, mais il y a des touches de Radiohead partout, comme tu disais, justement. Oui, exactement. On va l'entendre une pièce de l'album qui ressemble pas du tout à Radiohead, justement. On va l'entendre « Marie, tu pleures ». Donc, une pièce qui est beaucoup plus folk de cet album-là. Et il y a Patrick Watson qui chante d'ailleurs sur cette pièce. Donc, on va l'entendre ça. Alors, on s'appelle et on déjeune dans le cadre de la chronique stéréotonine de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. C'était la pièce « Marie, tu pleures » de Carquois, tirée de leur plus récent album « Les chemins de verre » qui est paru mardi dernier, le 30 mars. Donc, cette pièce-là, beaucoup plus folk. Est-ce qu'elle devait participer à leur concours Facebook pour le lancement de l'album? Non. Parce qu'ils demandaient genre aux gens de laisser leur adresse courriel, puis ils offraient 160 billets pour le lancement à Montréal le 30 mars. Mais non, j'ai pas participé à ça. Puis d'ailleurs, oui? J'ai fait un mea culpa. Je n'ai jamais vu Carquois en spectacle. Oh! Et c'est à faire. Je me suis vraiment dit que là, pour la prochaine tournée, le quatrième album que j'ai adoré, soit dit en passant, je vais y aller. C'est sûr. Ça vaut vraiment la peine. Mais si je serais toi, j'essaierais de trouver une autre place qu'à Trois-Rivières parce que peut-être qu'ils ne viendront pas à Trois-Rivières. OK. Parce que, ben, il y a 2-3 ans, ils sont venus, puis il y avait 60 personnes dans le 10-12. Je pense que ça a laissé comme un mauvais souvenir. Mais il y a quelques mois, je pense, d'un mois ou deux, ils étaient sur la rive sud à Baie du Fèvre, donc c'est pas super loin. Ah, ça se peut, mais ils sont déjà. Ouais. Ben, ils sont déjà allés aussi au berge de la Castor, là, l'auberge qu'il y a d'en haut, la Castor. Ah, OK. Puis il paraît que c'était très bon, c'était intime comme show et tout. C'est le fun. Mais en tout cas, peu importe le lieu, puis même si s'ils reviennent à Trois-Rivières, ce sera à Trois-Rivières, mais je vais vraiment les voir parce que je pense que tu peux pas passer à côté du, à mon avis, entre guillemets, meilleur groupe rock pop québécois. Parce que, mettons qu'il y a Malajube qui fait plus dans un genre de rock expérimental. Ouais. Je te dirais que moi, en tout cas, dans ma discographie, je te dirais que c'est le meilleur groupe rock pop que je connais. Moi, je te dirais que c'est Kane, mais bon, okay. On en reparlera une autre fois. On en reparlera. D'ailleurs, t'as pas parlé du lancement du chanteur de Kane. Non, qui a lancé son album. J'ai dit tout le temps, avant de commencer la chronique, j'ai tout le temps les sorties intéressantes de la semaine. Donc ça, c'était dans une autre catégorie. C'était pas intéressant, ça. Pas pour moi. Ah ben. Non. Désolée. Pour revenir à Carquois et leur quatrième album, Les Chemins de Verre, simplement pour vous dire donc que vous pouvez vous rendre sur leur site internet le carquois.com pour faire l'écoute des pièces et pour aussi lire les textes. Moi, c'est un élément que je trouve tout le temps important dans la musique. J'ai de la misère à écouter de la musique sans écouter ou lire ce que l'artiste est en train de me dire finalement dans sa chanson. Donc pour Carquois, ben encore une fois Louis-Jean Cormier qui écrit de très beaux textes. Vous pouvez aller lire donc toutes les pièces sur le carquois.com et les thèmes qui sont abordés sur cet album-là sont assez différent, puis en même temps, c'est des incontournables, là, soit l'amour, bien sûr, le temps, la mort, la folie. Et il y a quelques pièces sur la pièce Le Bon Sens qu'on va entendre tout à l'heure et Les Enfants de Beyrouth, des pièces qui parlent plus, de la société aseptisée dans laquelle on vit, une société de surconsommation, où il y a beaucoup de superflu. Et où on brise des iPads à coups de batte de baseball. Exactement. Donc, en fait, c'est ça, pour vous dire aussi qu'il y a peut-être trois genres différents sur cet album-là. Quelque chose de plus rock, des pièces vraiment plus douces, des ballades et du folk aussi. Puis comme il y a 12 pièces, là, mettez-en 4 dans chaque catégorie à peu près, ça ressemble à ça. Fait que vous pouvez vous procurer l'album dès maintenant en magasin. Et on va l'entendre une deuxième pièce, la pièce Le Bon Sens, qui est une pièce beaucoup plus rock que celle qu'on a entendue en début de chronique. Donc, toujours tirée de l'album Les Chemins de Verre de Carquois. Très bien, donc on se retrouve de l'autre côté de la pièce Le Bon Sens sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. On s'appelle Léon Desjeunes jusqu'à 9h et voici Carquois. Un tollé à la chambre de commerce, une pilule pour traverser l'averse, le cafard à la porte et plusieurs milliards dans la compote. Le fraudeur en smoking s'enfuit dans le smog vert de gris. D'ici c'est difficile de voir le paradis. La face pluguée dans l'exhaust de la Ferrari. Et les combats des calendriers, les éclats de larmes sur le plancher, brûlante sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche, j'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche. Que lentement le liquid paper efface mon nom. Mais on fait la file comme des cons, lavé comme des esclaves de la dépense. Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens. Sur les cravates de fer. C'était la pièce Le Bon Sens de Carquois, tirée de leur quatrième album, Les Chemins de Verre. Donc, cette pièce-là qui commence plus tranquillement et qui explose en cours de route. Et oui. Plus de façon similaire à leur précédent album, Le Volume du Vent. Ça, j'ai bien aimé, justement, cette explosion-là. J'ai bien adoré. Mais tu sais, comme on parlait, justement, hors d'onde, le groupe a lui-même dit, lors de leur passage à Studio 12, et probablement dans d'autres entrevues, qu'ils avaient décidé de peut-être un peu... moins s'attarder à faire des arrangements plus grands, de rajouter des instruments, de faire de la post-prod, dans le fond, là, de rajouter des trucs. Est-ce que c'est vrai, donc, qu'il est vraiment plus dénudé comme album? Bien, moi, je pense que oui. C'est sûr que si on le compare avec Le Volume du Vent, il serait plus dénudé. Mais, en fait, moi, j'ai pas trouvé que c'était un moins bon album que Le Volume du Vent. Au contraire, je trouve qu'ils sont complémentaires. Comme ouais, si on aime Carquois, on a envie d'écouter un album qui est plus chargé, on prend Le Volume du Vent. Puis si on a besoin d'une ambiance peut-être un peu moins chargée, on est en train d'étudier ou peu importe, ça serait plus cet album-là. Donc, comme je dirais, tu sais, moi, vu que je lis beaucoup les textes puis tout ça, tu sais, j'ai autant aimé la plume puis la musique aussi. Donc, comme je te dirais, sont complémentaires. Donc, un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'au contraire, ça vaut la peine de se le procurer. Puis il y a des pièces plus folk cette fois-ci, un peu à la manière de Marie-Pierre Arthur sur son album éponyme, si vous avez aimé, avec la première pièce qu'on a entendue tantôt, Marie, tu pleures, Les enfants de Beyrouth, Moi léger et L'acouphène. Et sinon, il y en a quatre pièces plus rock et quatre pièces plus douces, comme des ballades ou des choses plus légères. Puis aussi, il y a une pièce qui est chantée et écrite par Julien Sagot, qui est celui qui s'occupe des percussions dans le groupe, autre que la batterie. Le monsieur français qui fait les shows en bédaine avec une casquette. Ah, c'est possible, mais je ne les ai jamais vus en spectacle. Donc il est très, très sauté, ce gars-là. Ça a l'air d'être le plus fou de la gang. OK, ouais. Mais en fait, sa pièce, c'est vraiment pas la plus folle de l'album. Alors? Au contraire, on dirait qu'il parle quasiment. Puis moi, je dirais que c'est vraiment pas la pièce que je préfère. En fait, c'est probablement celle que je préfère le moins de l'album. Je trouve que c'est ça. C'est pas aussi juste que tout l'ensemble des pièces. Puis moi, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu du remplissage. Je sais que c'est pas ça, mais moi, c'est comme une pièce que j'aurais tendance à sauter sur l'album. Eh bien. Donc, du pili-pili, on passe à une pièce qu'on sauterait sur l'album. Ben merci beaucoup, Sophie Laforêt. Et on se retrouve quand? Demain. Je viens vous parler de Tricot Machine demain. Ah, Tricot Machine, le groupe que j'aime tant. Ben oui. Non, mais ça sonne bien. J'aime bien. C'est la façon que c'est apporté, l'enveloppe qui... Mais la musique, quand même, c'est bien fait. Oui, surtout sur le deuxième. Là, je pense que ceux qui ont aimé moins le côté enfantin de Tricot Machine risquent d'aimer plus le deuxième, mais ça se peut aussi que vous soyez totalement pas intéressé par Tricot Machine tout court, mais en fait, on en parlera demain. Ben merci beaucoup, Sophie Laforêt. Donc, tu sais, j'ai la langue des fois qui me tombe à terre, là, fatiguée ou à s'endort, ou est, comment on dit ça en français, est comme engourdie. Ça nous arrive tous. Ouais. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Job Bar. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et équitérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR.